Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Suspension des activités d'extraction du moellon et de l'argile dans les rivières Kanyosha, Kizingwe et Mugele. Le motif, l'activité humaine ne cesse de causer des dégâts à ces endroits, comme l'a indiqué le ministre en charge de l'environnement. C'était au cours d'une descente effectuée sur les lieux ce vendredi. Les procès-verbaux de délibération des élèves finalistes des écoles techniques à Gitega n'ont pas été validés par le bureau provincial de l'inspection depuis mi-journée dernier et pour cause, les directeurs des écoles ont interprété différemment l'utilisation de la note de stage. Et puis, célébration ce samedi de la fête communale et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, trouve que la nécessité serait d'analyser les projets et programmes mis en œuvre par les communes. Voici pour les titres de ce journal, mis en onde par Eric Wimana. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabile. Tout de suite, les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le ministre de l'Environnement a suspendu provisoirement les activités d'extraction du moellon et de l'argile dans les rivières Kanyosha, Kizingwe et Mugele. Décision prise après une descente du ministre effectuée ce vendredi sur les lieux et après avoir constaté que l'activité humaine fait des dégâts à ces endroits. Le ministre Sanctus Nilagila indique que les personnes faisant ces extractions devront présenter l'autorisation du ministre avant de reprendre ces activités. Sheila Ilambona s'est rendue sur les lieux. Voici son reportage. La première étape de cette visite du ministre de l'Environnement, Dr. Sanctus Nilagila, a été faite au quartier Mousselo, sur la rivière Kanyosha, en commune Mouha, là où le moellon et le sabre sont extraits pour les travaux de construction, chose qui s'est fait remarquer et que les habitations se trouvant sur les bords de cette rivière sont menacées. Idem sur la rivière Kizingwe, là où est extrait de l'argile pour la fabrication des briques. Le ministre Sanctus Nilagila explique que suite à ces activités, cette décision a été prise surtout pour protéger la population. Nous avons constaté que les doléances de la population étaient fondées parce qu'il y a des activités de curage et des activités d'extraction de l'argile qui menacent des infrastructures qui sont réalisées en ignorant toute réglementation à la matière. Et pour ce faire, nous venons d'arrêter une mesure qui suspend toutes ces activités de curage et les activités d'extraction de l'argile sur ces différentes localités citées pour que nous puissions vraiment protéger les populations mais aussi protéger l'environnement. Et de demander à l'administration locale de veiller à ce que cette mesure soit respectée. Et nous venons alors de prendre la mesure de suspendre ces activités provisoirement pour permettre à ces gens qui sont entrés réaliser ces activités de se présenter à nos bureaux pour nous présenter les autorisations qu'ils ont reçues, mais aussi nous dire ce qu'ils vont faire afin que nos services techniques puissent analyser et voir la faisabilité de ces différentes activités sans compromettre l'environnement, non plus sans porter préjudice aux infrastructures de la population. Et nous lançons un appel vibrant à l'administration locale ainsi que les services de sécurité pour qu'ils puissent contribuer en collaboration avec nos services techniques à la mise en application et au respect de cette mesure. Au cours de cette visite, le ministre de l'Environnement a constaté qu'il y avait des particuliers qui faisaient l'extraction du moellon et du sable qui étaient des partenaires de l'OBOA. Le ministre a indiqué qu'il allait traiter leur cas avec cette agence. Merci Sheila Ilambona. Et parlons éducation à présent. Le bureau provincial de l'inspection à Gitega a depuis mi-juillet dernier pris la décision de ne pas valider les procès-verbaux de délibération des élèves finalistes des écoles techniques. La raison est que les directeurs des écoles techniques ont différemment interprété l'utilisation de la note de stage d'un élève lors de leur séance de délibération des classes terminales. Les directeurs des écoles concernées demandent l'intervention des chargés de l'enseignement technique. Gérard Nibigila. Les directeurs des écoles techniques de Gitega disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi le bureau provincial de l'inspection à Gitega a depuis la deuxième moitié du mois de juillet dernier pris la décision de ne pas valider les procès-verbaux de délibération des élèves des classes terminales des écoles techniques. Ce sont donc ces procès-verbaux de délibération validés qui sont présentés pour recevoir des parchemins de diplômes et des lauréats de l'enseignement post-fondamental et technique. Mais des sources provenant du bureau provincial de l'inspection à Gitega indiquent expliqué la raison de prendre cette décision et que les directeurs des écoles techniques ont différemment interprété l'utilisation de la note de stage qu'obtient un élève stagiaire au terme de son stage. Certains directeurs ont ajouté cette note au total des points obtenus par un élève dans des cours techniques, tandis que d'autres l'ont ajouté au total général et annuel des points obtenus par un élève. Ainsi donc, l'école où la note de stage est ajoutée au total des points de cours techniques a beaucoup de chances d'avoir le taux de réussite élevé, au moment où l'école où la note de stage est ajoutée au total général et annuel des points obtenus par un élève a peu de chances d'avoir un taux de réussite élevé. Certains directeurs s'étonnent du fait que chaque séance de délibération des élèves des classes terminales de l'enseignement technique est supervisée par un représentant soit de la direction de l'enseignement technique, soit du bureau provincial de l'inspection, soit de la direction provinciale ou communale de l'éducation. Ils ajoutent que même pour cette année scolaire 2022-2023, la délibération a été supervisée par ces personnalités qui ont confirmé que toutes les conditions de délibération étaient remplies et ils ont même approuvé l'authenticité du travail accompli en apposant leur signature sur la liste de présence dans la séance de délibération et sur les procès-verbaux de délibération des élèves finalistes. Cela étant, pas mal de directeurs trouvent que la note de stage doit être ajoutée à celle des cours techniques, mais d'autres non. Tout ça leur demande plutôt aux chargés de l'enseignement post-fondamental technique de trancher sans toutefois victimiser les élèves. Cela parce que, précise-t-il, s'il est pris une décision de refaire la délibération des élèves des classes terminales, certains d'eux qui ont été déjà déclarés diplômés et qui même pourraient avoir réussi à l'examen d'état risquent de se voir refuser au diplôme. De leur côté, les parents et les élèves réclament une solution non déstabilisante. Quant à elle, la directrice provinciale de l'éducation à Gitega, Godefride Akizimana, se réserve le droit de tout commentaire du moment que la question ne concerne pas la seule province de Gitega, mais elle plutôt national. Depuis Gitega, Jani Bigira pour Radio Isangani. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Parlons de la fête communale. La population en province Kayanza ne voit pas de la même manière la célébration de la fête communale organisée dans tout le pays le premier samedi du mois d'août. Certains négligent l'importance de cette fête tant qu'ils ne voient pas de projet remarquable dans la commune. Tandis que pour d'autres, le développement durable de la commune n'est possible que si les jeunes sont suffisamment intégrés dans l'élaboration et la réalisation des projets de développement communal. Le point avec Patrick Saint-Guillaume. Selon les uns des autres des habitants de la commune Egatala en province Kayanza, il n'est pas aussi facile de participer à la fête communale, d'autant plus qu'ils ne voient pas les projets remarquables de développement réalisés en cette même commune. Deux jeunes en cette commune contactés indiquent qu'ils ne sont pas suffisamment représentés dans l'élaboration des projets de développement communal. Selon eux, il puisse y avoir des comités de jeunes à tous les niveaux qui sont informés sur le développement communal afin que ces mêmes jeunes informent à leur tour d'autres générations. Des habitants de la commune Egatala en âge avancé trouvent que le développement de la commune Egatala n'est possible que si les jeunes sont suffisamment intégrés et sensibilisés sur les principaux projets de développement de la commune. Ils trouvent que les jeunes devraient être enseignés différents métiers afin qu'ils puissent se créer eux-mêmes d'emplois. Vous saurez que la fête des communes a été célébrée pour la première fois au Burundi le premier samedi du mois d'août 2018. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Quittons Kayanza et rendons-nous à Makamba où certains des habitants demandent aux natifs de la commune Kayanza de guider les projets de développement liés surtout à l'agriculture et l'élevage au niveau collinaire. Cela contribuerait au développement des communes à travers ces projet. Élisée Quizera. Certains des habitants de la commune et province Makamba demandent aux natifs de cette commune de guider les projets de développement au niveau collinaire. Ils invitent ces natifs à leur rendre visite même quand il n'y a pas cette fête afin de leur partager les connaissances sur les projets générateurs de revenus liés surtout à l'agriculture et l'élevage et propose que ces natifs se focaliseraient sur les collines où se présente pas mal de cela qui n'ont pas fréquenté l'école. Par exemple, ils relatent qu'ils ont besoin d'être appuyés et encadrés en ce qui est de la cuniculture, puisqu'ils ne sont pas suffisamment informés de cet élevage. Pour ses habitants, l'implication des natifs dans ces projets au niveau collinaire contribuerait au développement des communes. Dans la commune Makamba, les cérémonies de la dite fête, qui se célèbrent chaque fois le premier samedi du mois d'août, se déroulent sur la colline Kirama. Depuis Kirama, en province de Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée Kwizera. Et c'était les habitants de la commune Makamba et non de la commune Kayanza. Un audit indépendant devrait être commandité par le gouvernement en vue d'analyser les projets et programmes des communes et l'impact qu'ils génèrent pour la population. Point de vue du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom, par rapport à cette fête communale. Selon Gabriel Ouftili, des débats contradictoires devraient être également initiés afin de trouver des idées de développement des communes lors de la célébration de cette fête communale. Suivez-le. Le gouvernement devait initier des audits indépendants en vue de vérifier réellement que tous ces montants qui oscillent autour de 200 milliards de francs-bou, si réellement ces projets, ces programmes que le gouvernement a initiés ont généré des impacts positifs. Mais l'Olicom doute qu'il y ait vraiment des avantages pour le petit citoyen. Nous pensons qu'il faut vraiment initier des débats contradictoires et constructifs dans le but de stimuler des idées, d'encourager des idées qui visent à développer les marées communes. Mais à réécouter seulement les discours des autorités, on est habitué à ces discours et c'est bon de le faire. Mais actuellement, il faut vraiment donner l'occasion aux citoyens au niveau local de s'exprimer sur toutes ces questions. C'est à ce niveau que l'Olicom demande aux administratifs provinciaux, donc aux gouverneurs, aux administrateurs, d'initier des débats afin de collecter des idées qui visent à développer les communes. Et pour boucler cette édition, parlons sport. 100 enfants de 10 à 15 ans ont bénéficié pendant 8 mois d'une formation sportive dans les disciplines de football, basket et athlétisme, formation dispensée par le Centre Limpa Africa. Lors de la clôture de cette activité ce samedi, le directeur de ce centre a fait savoir qu'à côté du sport, ces enfants ont appris comment vivre en harmonie dans la société, ainsi que la protection de l'environnement. Célestin Boutsevanga demande à ses enfants de continuer à mettre en application cet apprentissage. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianing Ndakouman. Cette activité s'inscrit dans un cadre habituel qu'on fait ici pour des programmes. Et ce programme prend l'origine au Comité international olympique. Et c'est un programme sportif, mais basé sur l'éducation pour les enfants et pour les jeunes. Et ces enfants ont 10 à 15 ans. Et ce programme a débuté à fin novembre 2022 et jusqu'aujourd'hui, le 5 août. Donc, ça a pris 8 mois et ça, c'est la clôture de cet événement. Et cet événement concerne principalement trois sports, à savoir football, basket et athlétisme. Et à travers toutes ces disciplines, nous les enseignons le sport, mais basé sur des valeurs positives de la vie, des valeurs olympiques. Et entre autres, il y a l'excellence, il y a le respect, il y a l'amitié, il y a la responsabilité, mais tout en sachant aussi qu'il y a aussi d'autres valeurs connexes comme la responsabilité et le leadership. La valeur ajoutée de ce programme, c'est que les enfants qui ont suivi, c'est une centaine d'enfants qui ont suivi ça, ont développé des attitudes positives qui leur permettent de s'intégrer, de travailler ou de vivre dans la société avec des valeurs positives. L'appel à lancer, c'est d'abord les encourager à suivre les conseils, à suivre l'éducation, à suivre tous les enseignements qu'on leur avait donnés et de transmettre effectivement les valeurs positives qu'on leur a enseignées. Et ça va permettre effectivement à l'objectif même de ce programme de changer la société burundaise, la société en général. Point final à cette édition. Eric Wiman a assuré la mise en onde à la présentation de ce journal de Oreb Ingabide. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, revue de la presse avec Jean Bosco Ndouiman. revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Vers un embrasement de la crise économique, s'interroge Burundi Echo dans son éditorial cette semaine. Ce journal écrit que le passage du budget de moyens au budget programme est perçu comme un pas franchi vers l'indépendance budgétaire. Et pour accroître les recettes fiscales et non fiscales, l'Office burundais des recettes étend ses tentacules vers les petits contribuables. Pour son confrère, la récente mobilisation des occupants des marchés de la capitale économique gérée par la mairie en dit long. Cet hebdomadaire socio-économique rappelle néanmoins que pour les fiscalistes, trop d'impôts tue l'impôt. En effet, explique ce journal, l'économiste américain Arthur Laffer a pu démontrer qu'au-delà d'un certain seuil de prélèvement fiscal, les taux deviennent dissuasifs pour les contribuables et les rentrées fiscales chutent. Il considère que plus le taux d'imposition est élevé, plus l'évasion fiscale est forte, plus l'expatriation augmente, moins les agents économiques sont incités à travailler, d'où une baisse des recettes fiscales, conclut cet économiste. Sous le titre « Alléger la pression fiscale », le journal Iwachu consacre également son éditorial à cette problématique, en rappelant lui aussi que le taux mange l'assiette, qu'un impôt exagéré détruit la base sur laquelle il porte, des termes qu'on entend souvent dans le jargon des économistes. Pour l'éditorialiste de cet hebdomadaire, difficile de comprendre, par exemple, comment sur plus de 250 milliards de francs burundais exonérés à quelques opérateurs économiques, 71% sont accordés à 8 contribuables seulement. Cette inégalité dans la répartition des charges fiscales est inacceptable, estime son confrère, qui trouve aussi qu'une gestion efficace et efficiente des dépenses publiques est plus qu'une nécessité. Un seul exemple pour comprendre la situation. Pour le budget général 2023-2024, le charroi de l'État accorde presque 11 milliards de francs burundais à l'entretien et réparation des véhicules, plus de 16 milliards au carburant et lubrifiant, à peu près 800 millions à l'assurance des véhicules. La liste n'est pas exhaustive, écrit Iwachu. Et que retenir de la politique de charroi zéro 10 ans après, s'exclame encore son confrère. En somme, conclut l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu, les contribuables doivent s'acquitter de leurs devoirs en payant les taxes et impôts. L'État devrait à son tour trouver une façon d'alléger la pression fiscale en révisant certaines rubriques du budget général, en baissant notamment les dépenses publiques. C'est difficile, mais possible, conclut ce journal. Revue de la presse. Les prématurés retraités n'ont pas eu leur couveuse, constate amèrement la voix de l'enseignant. Les fonctionnaires ayant atteint l'âge de 60 ans et plus ne savent pas sur quel pied danser depuis qu'ils ont été forcés de rentrer massivement. Et pour le moment, ils ne sont pas en train de préparer leur dossier à déposer à l'Office national des pensions et risques professionnels qui gère les régimes de pension des fonctionnaires, des magistrats ainsi que des agents de l'ordre judiciaire, fait remarquer son confrère. Or, au niveau de l'ENPR, ils disent être prêts pour recevoir les dossiers des fonctionnaires enseignants ayant déjà atteint les 65 ans. Pour les autres cas, c'est une décision politique. Le gouvernement devra indiquer la démarche à suivre, précise cet hebdomadaire. L'aménagement du site touristique de Motsa laissa désirer, a constaté l'agence burundaise de presse qui y a effectué une visite. En effet, cet endroit situé en commune Rusaka dans la province Mwaro est une forêt sacrée attitrée du clan des Banyange, où on enterrait les reines-mères, selon le professeur Eli Sadiki, interrogé par son confrère. Il ajoute toujours dans les colonnes de son quotidien que dans cette forêt existent des arbres sacrés qui montrent la place dans laquelle sont enterrées les reines-mères. Il regrette que ce lieu touristique ne soit pas exploité convenablement, déplorant qu'il n'y ait pas de guide touristique qui accueille et oriente les visiteurs. une femme habitant les environs de cet endroit et interrogée par la BP, déplore qu'il y a des chemins qui passent à l'intérieur de ce site, précisant aussi que les animaux qui y vivent ne sont pas protégés et que même les délimitations de ce site historique ne sont pas non plus respectées, regrette-t-elle dans les colonnes du quotidien ABP. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.